une différence fondamentale sur le fond, malgré tout, d'une pensée eschatologique. Merci beaucoup Pierre Guenancia d'être venu nous parler de Pascal ce matin en restant chez vous. Évidemment, je renvoie les auditeurs à la lecture de votre livre Divertissement pascalien. Eh bien, bon repos à vous alors, puisqu'il vous est plaisant. Merci. Vous avez bien de la chance. Merci. Et à bientôt, j'espère. À bientôt, au revoir. On se quitte en chanson comme tous les jours. Aujourd'hui, La Chambre de Léo Ferré. On m'a prêté quatre vieux murs pour y loger mes quatre membres. Et dans ce réduit très obscur, je voulus installer ma chambre. Pour lui donner un air coquet, je suspendis aux murs en pente les diplômes que j'ai manqués et mes décorations absentes. Sur une table, les photos de celles qui se refusèrent. Sur des rayons, les in quarto des livres que je n'ai su faire. J'ai mis derrière les fagots les grands crus de notre royaume. Les Chambertins et les Margaux dont j'ignore jusqu'à l'arôme. Et dans un vaste coffre-fort, rangés en pile régulière, toutes les valeurs et tout l'or que j'aurais pu gagner naguère. Voici le mirage de l'art, voici des songes en rasade. Le divan de Sherazade et le clavecin de Mozart. La chimère en quatre secondes, décorateur sur champ d'azur, a fait de mes quatre vieux murs la plus belle chambre du monde. La la la la. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Il est l'heure de retrouver le journal de la philo présenté par Géraldine Mosna-Savoie. Pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Ça y est, nous y voilà, nous sommes le lundi 11 mai, ce lundi tant attendu où je pensais enfin vivre le déconfinement, où je pensais qu'il se passerait enfin quelque chose, mais où en fait, il faut le dire, eh bien rien ne se passe, en tout cas pour moi. Toujours coincé chez moi, en télétravail et sans crèche, ce semblant de déconfinement me rappelle ce sentiment assez fascinant de ne pas en être. Mesdames et messieurs, ce matin, lors du Conseil de défense, le président de la République l'a confirmé. Au vu des résultats sanitaires enregistrés ces derniers jours, la levée progressive du confinement peut être engagée ce lundi 11 mai. C'est une nouvelle étape dans la lutte contre l'épidémie. C'est une bonne nouvelle pour la France, pour les Français. Comme tous ces Françaises et ces Français, j'ai accueilli la nouvelle du déconfinement comme un événement, avec toutes les ambiguïtés que comporte un événement, à la fois impatiente de voir ce que ça donne, de découvrir la suite, et pétrifiée que ce soit déjà la fin. Pétrifiée à l'idée de quitter cette vie confinée, pas très confortable, mais à laquelle je m'étais faite tant bien que mal. Toutefois, jamais je n'aurais pensé que cet état de sentiments mêlés, cet entre-deux entre l'ancien et le nouveau, ne soit prolongé à ce point-là. Jamais je n'aurais pensé vivre aussi intensément, de manière démultipliée et décomposée, ce moment précis où le monde est censé basculer, mais n'y est pas encore. Ce moment où l'on sait que quelque chose va se passer, mais sans y être encore. Je dois le dire, ce moment a quelque chose d'inédit. Il est fascinant à vivre. Je dirais qu'il est plus que de l'attente, car on s'y prépare, on se questionne, on anticipe, mais qu'il est moins que de l'entraînement, qu'une répétition avant la grande première, car très concrètement, ben on n'a pas grand-chose à faire. On est à la fois actif et passif, attentif et désintéressé, impatient et au ralenti, sujet responsable et objet de décisions qui nous dépassent. au fond, ce moment inédit qui ne cesse de se prolonger dans mon cas me fait vivre ce paradoxe que je n'avais lu que dans les théories philosophiques sur l'histoire, le fait de vivre un moment historique sans pour autant en prendre activement conscience, sans y jouer un rôle ni l'embrasser pleinement. Autrement dit, le fait de faire partie de l'histoire sans y prendre pourtant part. Comment faire quand on a ce sentiment de ne pas en être ? Hé, Dick, venez là ! Hé oh, attendez-nous ! Ça va ? Ouais. Il est chouette ton survêtement. Oh, moi je trouve qu'il me fait des grosses cuisses. Faites quelque chose samedi soir ? Pourquoi ? Je fais une boum, vous pouvez venir ? C'est à quelle heure ? De 8h à... Ouais, peut-être. Faut vous donner la réponse quand ? Oh bah ce soir, on a trop de mecs. Alors si vous venez pas, on doit... Tu peux y aller toi ? Peut-être. Tiens, appelle-moi ce soir, sans faute, hein. Ok. Parce qu'après ça sera trop tard. Ok ? Allez, salut. Salut. Cet entre-deux, cet avant-événement, ce seuil historique, m'a rappelé ce que chacun et chacune a pu déjà vivre au moins une fois dans sa vie, mais à propos d'événements beaucoup plus dérisoires, le sentiment de ne pas en être. Qu'il s'agisse d'une fête, d'une promotion, d'une rencontre, on a tous déjà connu cette impression d'être en train de manquer quelque chose. Les anglo-saxons ont un mot pour ça, le FOMO, soit la peur de rater quelque chose, fear of missing out. C'est la peur de rater une occasion d'interagir socialement, de louper la fête de l'année, de devenir l'exclu, celui qui n'était pas là et ne pourra plus saisir les subtilités qui lient désormais un groupe mais qu'il n'a pas vécu. Mais est-ce vraiment de peur qu'il s'agit aujourd'hui ? D'une peur de rater cet événement politique et social du déconfinement ? Eh bien je ne crois pas. Si j'y pense bien, il n'y a ni peur, ni à l'inverse joie ou réconfort de manquer quelque chose, je ne ressens ni de la jalousie, ni du plaisir à être dans cet entre-deux. Mais alors, qu'y a-t-il ? Quel nom donner à ce sentiment de l'instant qui se prolonge, de l'événement qui n'arrive pas, à cet entre-deux qui ne se tranche pas, qui ne se décide pas ? Ces derniers jours, je repense souvent à cet exemple de fête ou de soirée manquée. Certains ont peur de les rater, d'autres s'en réjouissent. Mais qu'en est-il sur le moment ? Qu'en est-il de ce moment où vous savez vous pouvez encore aller à cette soirée, passer du bon temps, mais où vous avez la flemme, où l'appel de votre canapé est plus fort que celui de vos amis ? Ce moment où tout est encore possible, où vous pouvez encore en être sans en être. Ce moment où vous avez encore le choix d'avoir peur ou de vous réjouir. Voilà, je repense beaucoup à ça, surtout aujourd'hui. À la différence près qu'aujourd'hui, eh bien je n'ai pas le choix. Ni spectatrice, ni engagée, ni soulagée, ni coupable, ni peureuse, ni joyeuse, je vis ce qu'on pourrait appeler le contraire de l'événement, de la décision et du passage à l'acte. En plein déconfinement, je vis en fait la forme absolue du confinement, ou même rater quelque chose, mais confisqué. Ce qui pourrait peut-être donner le ratage de rater quelque chose. Merci beaucoup Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour, confinée ou pas, à préparer ces émissions. Aujourd'hui, Clara de Giovanni en compagnie de Manon Delasselle, Isis Jourda, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert. Thomas Beau a réalisé pour vous cette émission. À la prise de son aujourd'hui, c'était Nasser Moussaoui. Merci au CDM de Radio France qui a permis d'établir la liaison. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de cette série autour de la chambre. Après la lucidité de Blaise Pascal qui nous a expliqué aujourd'hui pourquoi il est si difficile de rester en repos dans une chambre, demain, ce sera Virginia Woolf qui nous rappellera que la chambre, entendue comme un lieu à soi, est un élément indispensable à toute forme de création. C'est Geneviève Brisac qui viendra nous en parler. D'ici là, sachez que vous pouvez, comme toujours, télécharger cette émission, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez, au moment de la journée que vous choisirez, et que l'équipe des Chemins vous attend sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. On est toujours ravis de répondre à vos commentaires et à vos questions. On se retrouve demain donc à 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.